Au pays d'exil de Chateaubriand par Anatole Le Braz, enregistré par Christiane Johan. À Madame Ida Benz Lambert, à mes amis, le docteur et Madame Ayton Gostling, je dédie cette étude, entreprise sous leurs auspices et avec leur concours. Anatole Le Braz. Préambule. La biographie de Chateaubriand, je veux dire biographie réelle, et non point celle à demi poétique qu'il a magnifiquement orchestrée dans les Mémoires d'outre-tombe, est encore à écrire. Ce travail, quel que soit l'historien qui l'entreprendra, ne sera sans doute pas mené à bien de bientôt. Il y a encore plus d'un voile somptueux à faire tomber, et la vérité toute nue ne s'évadera complètement de la fiction qu'autant que les archives publiques et privées sollicitées, explorées en tous sens, nous auront livré leurs derniers secrets. Nombre de bons chercheurs, en tête desquels il convient de nommer l'abbé Payès, M. Joseph Bédier et plus récemment M. Victor Giraud, se sont patiemment mis à la tâche. J'apporte aujourd'hui ma contribution à l'œuvre commune. Une contribution, modeste certes, mais qui ne laisse pas d'avoir son importance, puisqu'elle a trait à la phase la plus obscure peut-être de la vie de Chateaubriand, et la plus indispensable pourtant à connaître, s'il est vrai, comme j'en suis convaincu, que les années d'Angleterre, les années de l'exil, ont exercé une influence prépondérante sur la formation de son tempérament littéraire et sur les productions capitales de son génie. On oublie trop, et la plupart des critiques qui se sont occupés de sa personne et de son œuvre ne se sont pas assez souvenus, me semble-t-il, que de 1793 à 1800, c'est-à-dire pendant 7 années consécutives, Chateaubriand a résidé à Londres, ou dans les environs de Londres, sans revoir la France, avec laquelle il avait perdu presque tout contact. On oublie que durant ce septennat, il n'a pas seulement respiré l'atmosphère anglaise, mais qu'il s'y est plongé, baigné, trempé. Or, si l'on observe qu'il n'avait pas tout à fait 25 ans lorsqu'il chercha un refuge en Angleterre, et qu'il en avait près de 32 quand il en repartit, que ce long intervalle embrassa par conséquent pour lui l'époque si décisive dans toute carrière d'écrivain, où des fougues de la jeunesse se dégage peu à peu la maîtrise de l'âge mûr, il est aisé de concevoir l'intérêt puissant qui s'attache à cette période, et combien il serait désirable qu'on la pût éclairer jusqu'en ses moindres détails. C'est ce que j'ai tenté de faire ici, selon mes moyens, pour le laps de temps assez considérable que Chateaubriand passa en Suffolk, dans la région de Beccles et de Bungay. Si j'y ai réussi à quelque degré, je le dois principalement à l'obligeance de mes excellents amis, le docteur et Madame Ayton Gostling. Non content de s'être dérangés sur ma demande pour rassembler les premiers éléments de la présente étude, ils ont bien voulu m'aider à la compléter, en recommençant avec moi le pèlerinage qu'ils s'étaient déjà imposé à mon intention, et où leur expérience en parler de leur sollicitude devait m'être d'un inestimable secours. Grâce à la connaissance qu'ils ont du Suffolk, grâce aux relations qu'ils y comptent, il m'a été loisible, en l'espace d'une semaine, d'abord de visiter en dévot les lieux consacrés par le souvenir de mon illustre compatriote breton, ensuite de recueillir sur place quantité de témoignages et de documents qui, restés inédits jusqu'à ce jour, sont singulièrement propres, si je ne me trompe, à enrichir d'aperçus nouveaux la biographie de Chateaubriand, et même à suggérer certaines interprétations nouvelles de son œuvre. Ces documents, ces témoignages, je les produis comme ils me sont venus, je veux dire pêle-mêle, avec mes impressions de voyageur, puisque c'est cependant au hasard des étapes que je me les suis procurées. Je sais les inconvénients d'une pareille méthode, qu'on m'excuse de l'avoir préférée. Elle aura du moins l'avantage de restituer les événements à leur cadre naturel. Nous suivrons Chateaubriand pas à pas dans les sites et sur les chemins que hanta son exil. Nous saluerons les logis qui lui furent bienveillants, ceux aussi qui lui furent douloureux. Nous verrons enfin se lever devant nous les horizons qu'il peupla de ses rêves et qui demeurent enveloppés du prestige de son grand nom. Mais auparavant, il ne sera probablement pas inutile de résumer aussi brièvement que possible le récit qu'il nous a légué dans les Mémoires d'outre-tombe sur les débuts de son séjour en Angleterre. Il y débarque exactement le 17 mai 1793, venant de Jersey. En poche, pour toute fortune, il a 30 louis qui lui ont été apportés de Saint-Malo par un bateau fraudeur. C'est la misère, c'est le dénuement à bref délai. Comment vivra-t-il ? Il y a bien le shilling par jour que le gouvernement anglais distribue en aumône aux émigrés nécessiteux. Chateaubriand ne nous donne pas à entendre qu'il en ait jamais usé. La plupart de ses compagnons d'infortune se sont ingéniés à se créer des ressources. D'aucuns, par exemple, se sont improvisés marchands de charbon. Mais René, quoique fils d'un armateur malouin, commerçant assez âpre, voire un tantinet négrier, René est d'âme trop celte pour s'essayer aux choses du négoce. D'autres, avec l'aide de leurs femmes, fabriquent des chapeaux de paille. René a une femme, mais qui ne peut lui être d'aucune efficacité, car il l'a laissée là-bas, en Bretagne, n'ayant d'ailleurs pris que juste le temps de l'épouser et de lui emprunter une partie de sa dot. D'autres, enfin, enseignent le français, qu'ils ne savent pas. René le sait, lui, s'occupera-t-il à l'enseigner ? Plutôt que d'y condescendre, les mémoires nous le montrent se résignant aux pires extrémités de la détresse et de la faim. Il ne conçoit que 2 moyens de subsistance, son épée ou sa plume. La première, depuis les fatigues et les privations subies à l'armée de Condé, il est de santé trop précaire pour s'en servir. Reste la seconde, il trouve l'occasion de l'employer à des traductions du latin et de l'anglais que lui procure Pelletier, l'ancien rédacteur des Actes des Apôtres, dont on aimerait, entre parenthèses, qu'il parlât, sinon avec plus de mansuétude, du moins avec une impertinence moins hautaine. Le même Pelletier l'encourage à entreprendre l'essai historique sur les révolutions, dont il lui a peut-être insufflé l'idée. Il le met en relation avec l'imprimeur Bélis et le libraire Deboeuf, qui acceptent, celui-là de publier, celui-ci d'éditer, le futur ouvrage. Nous sommes en 1794. La gêne est un instant conjurée, mais bientôt elle redouble. Les traductions ne viennent plus, la faute en est, paraît-il, à Pelletier, que Chateaubriand déclare incapable d'une obligeance prolongée et à qui il reproche le plus ingénument du monde de n'être point sans cesse acquêté ça et là des travaux pour autrui. Or, comme les derniers fonds du gentilhomme s'épuisent, notez que c'est encore ce Pelletier à tout faire qui, spontanément, se présente à la rescousse, mais ici, laissons parler le texte des mémoires. L'homme aux ressources, Pelletier, avait lu dans un journal de Yarmouth qu'une société d'antiquaires s'allait occuper d'une histoire du comté de Suffolk, et qu'on demandait un Français capable de déchiffrer des manuscrits français du XIIe siècle de la collection de Camden. Le parson, ou ministre, de Beccles, était à la tête de l'entreprise, c'était à lui qu'il se fallait adresser. « Voilà votre affaire, me dit Pelletier, partez, vous déchiffrerez ces vieilles paperasses, vous continuerez à envoyer de la copie de l'essai à Baylis. Je forcerai ce pleutre à reprendre son impression. Vous reviendrez à Londres avec 200 guinées, votre ouvrage fait, et vogue la galère. » Je voulus balbutier quelques objections. « Eh, que diable, s'écria mon homme, comptez-vous rester dans ce palais où j'ai déjà un froid horrible ? Si Rivarol, Champcenay, Mirabeau-Tonneau et moi avions eu la bouche en cœur, nous aurions fait de belles besognes dans les Actes des Apôtres. Savez-vous que cette histoire de Hingant fait un boucan d'enfer ? Vous vouliez donc vous laisser mourir de faim tous deux ? Ah ah ah, pouf, ah ah ! Pelletier, plié en deux, se tenait les genoux à force de rire. Il venait de placer 100 exemplaires de son journal aux colonies. Il en avait reçu le paiement et faisait sonner ses guinées dans sa poche. Il m'emmena de force avec la Boitardais apoplectique et 2 émigrés en guenilles qui se trouvèrent sous sa main dîner à London Tavern. Il nous fit boire du vin de Porto, manger du roast beef et du plum pudding à en crever. À la réflexion, le conseil de mon compatriote, vrai personnage de mon autre compatriote, le sage, ne me parut pas si mauvais. Au bout de 3 jours d'enquête, après m'être fait habiller par le tailleur de Pelletier, je partis pour Beccles avec quelque argent que me prêta Deboeuf, sur l'assurance de ma reprise de l'essai. Je changeai mon nom, qu'aucun anglais ne pouvait prononcer, en celui de Combourg, qu'avait porté mon frère, et qui me rappelait les peines et les plaisirs de ma première jeunesse. Telles sont, d'après Chateaubriand, les circonstances où il fut amené à s'éloigner de Londres et à émigrer, comme nous dirions, en province. Nous allons maintenant nous y rendre nous-mêmes et voir ce qu'il nous sera possible d'y retrouver de ses traces.